L'exposé national technoscientifique de l'industrie métallique non ferreuse s'est déroulé les 25 et 26 à la fonderie de Tanzhun, sous les auspices du comité central de la Fédération générale des scientifiques et techniciens de Corée. Y ont pris part les scientifiques, techniciens, enseignants, chercheurs, membres de doctorat et ingénieurs de l'Institut du métal pur de l'Académie nationale des sciences, de la fonderie de Tanzhun, de la fonderie de Munpyeong et de l'Université de technologie Kimsek. Une 80aine de dissertations y ont été publiées. Au cours de l'exposé, il y a eu également les cours sur le courant de développement de l'industrie métallique non ferreuse et des problèmes scientifiques et techniques posés dans l'adaptation à la réalité du pays et la modernisation des machines et procédés de production des usines du secteur de l'industrie métallique non ferreuse.